Les hôtes étrangers, notamment la délégation du Conseil des habitants du département de Nagano du Japon pour la réunification indépendante et pacifique de la Corée, ont visité le 7 août le palais du soleil de Gongsusan pour rendre hommage au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il.